boys and girls, this is Weapon Roach. Weapon Roach, Weapon Roach, Weapon Roach. Salut à tous et on se retrouve pour une nouvelle heure de Pop and Rock. Allez, on commence avec ça. Ces inhibitions piquées sous les paupières, la peur du ridicule qui se colle à la nuque, et toutes les certitudes plus pointues qu'une épingle, et les craintes qui dorment dans le fond d'un cratère, du venin dans les veines, du sirop dans le cœur. Oser lutter contre les convenances, mais se laisser noyer dans un marais de principes, soumis comme un drogué prisonnier en Thaïlande. Hey, c'est ta vie, tu sais, qui t'en a qu'une et tu cries dans un local qui résonne. Le rock ici, c'est perdu d'avance. Mélange de jalousie et de timidité, conformiste éteint comme des tailleurs gris. Mais cette prudence chaste jusqu'au bout du désir, et toutes ces frustrations, ces besoins d'érection, de lingerie et de muscles, la sueur chaude qui s'écoule sous les maillots moulants des jeunes filles catholiques, qu'entretiennent leur forme en dansant l'aérobic. S'est promené au travers des musiques et autres tubes essentiellement de anglais, de la pop des années 80. Cette semaine, c'est la même philosophie, mais exclusivement réservée à des artistes, enfin quand je dis artistes. Vous allez voir que pour certains d'entre eux, le nom d'artiste est très usurpé. Hein. Mais on va quand même se promener dans le pop française des années 80. On vient d'écouter le poète rock Charlie Lee Couture, mais malheureusement, dans les années 80, il y avait aussi ce genre de truc-là. Faire la fête. Je crois qu'il valait mieux écouter les négresses vertes. Mmh.

voilà, Manu Chao, ça c'était le pied total. Et puis il y avait ces machins qui nous rendaient compulsifs, qui nous faisaient sauter en l'air, hurler les refrains dans les soirées, mais que l'on n'écoutait justement que dans ces soirées. Je pense à ce truc-là. Vous reconnaissez? Alors dépêchez-vous parce que je laisse pas ça très longtemps. On se groupe jamais, ça marchera. Moi, je préférais les trucs, les gros trucs, genre... vous connaissez pas, j'en suis sûr. Mark Seberg, vous connaissez? Allez, écoutez. We'll be right back. passe mon temps à faire n'importe quoi sur les pistes noires de préférence. Quand le démon de la danse me prend le corps, je fais n'importe quoi. Tout va bien. Sur un jerk électronique, se nouent des amours ludiques. Bebop, la vie, c'est n'importe quoi. C'est la fête. Donc il y avait des filles comme Lio qu'on écoutera peut-être un petit peu tout à l'heure. Puis il y avait un groupe un peu bizarre qui a fait, vous savez ce que j'appelle les one shot. Ça s'appelait À cause des garçons. À cause des garçons. Il avait deux mérites. Hein. Tout d'abord, ben, c'était drôle à voir en clip, c'était une chanson gay, et puis surtout, c'était un morceau composé par un dénommé Alain Chamfort. Bon, apaisé d'ici, des peines de Sibérie. À s'embrasser, c'est du passé. Bon, baiser d'ici, soviétique, érotique, tactique, toxique, zombie joli, baiser magique, cœur sibérique. Secret glacé, secret sucré, cette espionne en jet. secret glacé, secret sucré, sous-marin soviétique. Secret glacé, secret sucré d'un baiser codé. Top secret, bon baiser, discret. Bon baiser ici, des peines de Sibérie. Petit zombie, l'été passé, à s'embrasser, c'est du passé. Baiser d'ici, soviétique érotique, soviète roquette, missile tactile, baiser fatal, peine capitale. Secret glacé, secret sucré, cette espionne en jet. Secret glacé, secret sucré, sous-marin soviète. Secret glacé, secret sucré d'un baiser codé. Top secret, bon baiser. Stop, mission suicide, dit impossible, que des stalines, ce froid secret, au KGB, assassiné, la fille aimée. Il n'y avait pas que ces groupes de filles, il n'y avait pas que ces trucs qu'on écoutait juste dans les soirées, il y avait aussi des choses comme ça plus élégantes, plus qu'on n'avait pas forcément tout à fait comment dire, le courage de dire qu'on aimait. Je pense à des groupes comme Élégance, mais également comme Niagara et Luna Parker. Donc on écoute maintenant ces trois groupes, on écoute Élégance pour commencer, on enchaînera avec Niagara et ensuite ce sera Luna Parker. J'ai la montre arrêtée, j'ai même pas l'heure qu'il est. Le téléphone a sonné, je me suis pas réveillé. Direction salle de bain, je me fais couler un bain. Regardant le miroir, pas beau à voir. En retard sur l'horaire, plus besoin de se presser. Radio libre allumée, stop, pas de publicité. Une chanson bien cotée, c'est le film de l'été. Me fait flipper de la tête en pied. Je commence à ranger, car ce soir terminé. Je serai sur la route avec bison futé. Je suis pas seul à rêver du ciel des palmiers. Et des jours sans problème, c'est la vie que j'aime. Pas besoin de penser, on ne peut pas résister. Restaurant, boîte de nuit, tout ce qu'on a envie. On peut manger à minuit et se coucher à midi. Plus de temps, plus d'horaire, les vacances c'est super. Allongé sur le sable, bercé par les vagues. Petit corps bronzé, des vêtements de moitié. À l'abri du soleil, sous ton chapeau de paille. Tu te fous des regards qui se posent sur toi. Je m'approche près d'elle, je souris et lui dis: qu'est-ce que vous faites ce soir? Rien de précis, elle me dit: petite boîte de nuit, soirée champée whisky. Ambiance folie toute la nuit. Entre tes bras couleur cacao. Dans cette époque-là, donc, beaucoup de variétés françaises, beaucoup de choses très sucrées, très douces, des choses qui ressemblent pas à grand-chose, notamment des gominées à la banane proéminente comme ces gars-là. On arrête, parce que franchement, cette daube-là, non merci. Surtout quand on sait que quasiment en même temps, il y avait un petit groupe d'un mec qui s'appelait Daniel Dark, ça s'appelait Taxi Girl, cherchez le garçon. de Pop and Rock. Retrouvez toutes les émissions en podcast. André, c'est le coursier dans une grosse boîte à blé. Il y a des jours là, pas le moral, des jours où tout va mal. Suzette, c'est la minette qui s'en va au lycée. Les mioches et Lisa mobilette l'emmènerait bien danser. Sur ma meuf, je suis bien, je suis bien et je chante. Sur ma meuf, je suis pétrolette. Oh, il a l'air drôlement fier. Et sur sa mob, il en jette. Comme la Jojo, c'est le métallo. Le soir, après son boulot, ah, ah, il a sick sa bécane. Ah, ah. Il va draguer les dames dans son lit. Sur ma mob, je suis bien. Je suis bien et je chante. Ma meuf, je suis bien. Et ces connes de bagnole sont folles de rage. Allez, tu danses. Ouais, ouais, ouais. Sur ma meuf, je suis bien. Je suis bien et je chante. Sur ma meuf, je suis bien. Le temps des petits groupes, certains qui vont grandir comme Indochine, malheureusement, Téléphone, et d'autres qui vont disparaître comme Lady Drop qu'on vient d'entendre à l'instant, ou encore comme Gamine, ou encore Les Avions. Voilà, les anges ne s'arrêtent pas. Oh, oh. Voilà, les anges ne s'arrêtent pas. Oh, oh. Ça reste. cherche pas. Oh, oh non. Et je me retrouve avec moi sur le chemin. C'est un petit peu tout ce qu'on a entendu ce soir, mais c'est également pas mal de choses très différentes, et on va finir par trois groupes très très différents qui illustrent pourtant bien ce qu'était la France des années 80. On va commencer avec l'emblématique, le légendaire Thierry Hazard et son Jerk. On enchaînera avec les Garçons Bouchers qui n'aiment toujours pas la lambada, et on se quittera avec Carte Séjour, Douce France. Et sur ce, je vous dis rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même endroit. Bis à tous. Pour aller danser le jerk sur de la Il prend le bus de 18h17 et file tout droit au club à Bobo pour aller danser le jerk. Pour aller danser le jerk sur de la musique pop, sur de la musique pop, sous les éclairs du stroboscope. Il danse le jerk, il danse le jerk, le jerk. On aime pas ça, nous on préfère la Java. La lampada, on aime pas ça, nous on préfère.